Nous avons trop longtemps rêvé des modèles de développement importés. Il est temps que nous fassions preuve d'imagination pour trouver notre vraie voie. Elle est claire. Elle s'identifie au bonheur de l'homme togolais, de tous les Togolais. Ce bonheur appelle la reconversion totale de nos mentalités pour que chacun s'imprègne de l'esprit du travail bien fait, de l'esprit des sacrifices, car c'est au Togolais à bâtir le Togo pour lui-même et pour les autres. Il faut que chaque Togolais sache que sa terre promise, c'est le Togo, et que nulle part ailleurs, il ne trouvera un bonheur supérieur à celui dont il jouit au Togo. En 10 ans, le rassemblement du peuple togolais a voulu faire prendre conscience à tous les fils de ce pays de la nécessaire solidarité entre nous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous sentir unis pour la même cause. Oublions nos origines et nos disparités qui ne sont après tout que notre complémentarité pour faire du Togo, notre cher Togo, le lieu idéal de vie pour chacun et pour tous. Vive le rassemblement du peuple togolais, vive l'union de tous les Togolais dans un Togo nouveau. S'étant également que le général Mobutu est au pouvoir, lorsqu'il s'interroge devant son peuple sur les fondements d'une véritable politique d'authenticité.